Exode chapitre 40. Et l'Éternel parla à Moïse, en disant, au premier jour du premier mois, tu dresseras le pavillon du tabernacle d'assignation, et tu y mettras l'arche du témoignage, au devant de laquelle tu tendras le voile. Puis tu apporteras la table, et y arrangeras ce qui doit être arrangé, tu apporteras aussi le chandelier, et allumeras ses lampes. Tu mettras aussi l'autel d'or pour le parfum au devant de l'arche du témoignage, et tu mettras la tapisserie de l'entrée au pavillon. Tu mettras aussi l'autel de l'holocauste, vis-à-vis de l'entrée du pavillon du tabernacle d'assignation. Tu mettras aussi la cuve, entre le tabernacle d'assignation et l'autel, et y mettras de l'eau. Tu mettras aussi le parvis tout alentour, et tu mettras la tapisserie à la porte du parvis. Tu prendras aussi l'huile de l'onction, et tu en oindras le pavillon et tout ce qui y est, et tu le sanctifieras avec tous ses ustensiles, et il sera saint. Tu oindras aussi l'autel de l'holocauste et tous ses ustensiles, et tu sanctifieras l'autel, et l'autel sera très saint. Tu oindras aussi la cuve et son soubassement, et la sanctifieras. Tu feras aussi approcher Aaron, et ses fils à l'entrée du tabernacle d'assignation, et les lavera avec de l'eau. Et tu feras vêtir à Aaron les saints vêtements, tu l'oindras et le sanctifieras, et il m'exercera la sacrificature. Tu feras aussi approcher ses fils, lesquels tu revêtiras de chemise, et tu les oindras comme tu auras loin leur père, et ils m'exerceront la sacrificature, et leur onction leur sera pour exercer la sacrificature à toujours, d'âge en âge. Ce que Moïse fit selon toutes les choses que l'Éternel lui avait commandées, il le fit ainsi. Car au premier jour du premier mois, en la seconde année, le pavillon fut dressé. Moïse donc dressa le pavillon, et mit ses soubassements, et posa ses ais, et mit ses barres, et dressa ses piliers. Et il étendit le tabernacle sur le pavillon, et mit la couverture du tabernacle au-dessus du pavillon par le haut, comme l'Éternel l'avait commandé à Moïse. Puis il prit et posa le témoignage dans l'arche, et mit les barres à l'arche, il mit aussi le propitiatoire au-dessus de l'arche. Et il apporta l'arche dans le pavillon, et posa le voile de tapisserie, et le mit au devant de l'arche du témoignage, comme l'Éternel l'avait commandé à Moïse. Il mit aussi la table dans le tabernacle d'assignation, aux côtés du pavillon, vers le septentrion, hors du voile, et il arrangea sur elle les rangées de pain devant l'Éternel, comme l'Éternel l'avait commandé à Moïse. Il mit aussi le chandelier au tabernacle d'assignation, vis-à-vis de la table, aux côtés du pavillon, vers le midi, et il alluma les lampes devant l'Éternel, comme l'Éternel l'avait commandé à Moïse. Il posa aussi l'autel d'or au tabernacle d'assignation devant le voile, et il fit fumer sur lui le parfum de drogue, comme l'Éternel l'avait commandé à Moïse. Il mit aussi la tapisserie de l'entrée pour le pavillon. Et il mit l'autel de l'holocauste à l'entrée du pavillon du tabernacle d'assignation, et offrit sur lui l'holocauste et le gâteau, comme l'Éternel l'avait commandé à Moïse. Et il posa la cuve entre le tabernacle d'assignation et l'autel, et il mit de l'eau pour se laver. Et Moïse et Aaron, avec ses fils, en lavèrent leurs mains et leurs pieds, et quand ils entraient au tabernacle d'assignation, et qu'ils approchaient de l'autel, ils se lavaient, selon que l'Éternel l'avait commandé à Moïse. Il dressa aussi le parvis tout alentour du pavillon et de l'autel, et tendit la tapisserie de la porte du parvis. Ainsi Moïse acheva l'ouvrage. Et la nuée couvrit le tabernacle d'assignation, et la gloire de l'Éternel remplit le pavillon, tellement que Moïse ne put entrer au tabernacle d'assignation, car la nuée se tenait dessus, et la gloire de l'Éternel remplissait le pavillon. Or, quand la nuée se levait de dessus le tabernacle, les enfants d'Israël partaient, cela arrivait dans toutes leurs traites, mais si la nuée ne se levait point, ils ne partaient point, jusqu'au jour qu'elle se levait. Car la nuée de l'Éternel était le jour sur le pavillon, et le feu y était la nuit, devant les yeux de toute la maison d'Israël, dans toutes leurs traites.